manger, j'ai plutôt chaud à manger. Non, c'est bon, j'entends. Attends, y'a ce fucking métronome de merde là, j'ai plus à parler sa gueule. Allez, c'est bon. Excellent. Mais ils m'entendent pas là du coup. Allons, c'est ça, oui.